Les mystères de Dolph, chapitre 10, Dan Radcliffe, pour Audio Cité. Le carrosse qui devait conduire Émilie et Madame Chéron jusqu'à Toulouse parut devant la porte de bonne heure. Madame Chéron était au déjeuner avant que sa nièce arrivât. Le repas fut silencieux et fort triste de la part d'Émilie. Madame Chéron, piquée de son abattement, le lui reprocha d'une manière qui n'était pas propre à le faire cesser. Ce ne fut pas sans beaucoup de difficultés qu'Émilie obtint d'emmener le chien que son père avait aimé. La tante, pressée de partir, fit avancer la voiture. Émilie la suivit. La vieille Thérèse se tenait à la porte pour prendre congé de la jeune dame. « Dieu vous garde, mademoiselle, dit-elle. » Émilie, lui prenant la main, ne put répondre qu'en la serrant tendrement. Valancourt, pendant ce temps, était retourné à Estuvière, le cœur tout rempli d'Émilie. Quelquefois, il s'abandonnait en rêverie d'un avenir heureux. Plus souvent, il cédait à ses inquiétudes et frémissait de l'opposition qu'il trouverait dans la famille d'Émilie. Il était le dernier enfant d'une ancienne famille de Gascogne, ayant perdu ses parents presque au berceau. Le soin de son éducation et celui de sa nièce légitime avaient été confiés à son frère, le comte de Duvernay, son aîné de 20 ans. Il avait une ardeur dans l'esprit, une grandeur dans l'âme, qui le faisait surtout exceller dans les exercices qu'on appelait alors héroïques. Sa fortune avait encore été diminuée par les dépenses de son éducation. Mais M. de Valancourt, l'aîné, semblait penser que son génie et ses talents suppléeraient à la fortune. Ils offraient à Valancourt une assez brillante perspective dans l'état militaire, le seul, pour ainsi dire, qu'un gentilhomme pût suivre alors sans danger. Il entra donc au service. Il avait un congé de son régiment quand il entreprit le voyage des Pyrénées. C'était là qu'il avait connu Saint-Aubert. Comme sa permission allait expirer, il n'en avait plus d'empressement à se déclarer aux parents d'Émilie. Il craignait de les trouver contraires à ses vœux. Sa fortune, avec le supplément médiocre qu'aurait fourni celle d'Émilie, leur aurait suffi, mais ne pouvait satisfaire ni la vanité ni l'ambition. Cependant, les voyageurs avançaient. Émilie, bien souvent, tâchait de paraître contente et retombait dans le silence et dans l'accablement. Madame Chéron n'attribuait sa mélancolie qu'au regret de s'éloigner d'un amant. Persuadée que le chagrin de sa nièce pour la perte de Saint-Aubert n'était qu'une affectation de sensibilité, Madame Chéron s'efforçait de le tourner en ridicule. Enfin, elles arrivèrent à Toulouse. Émilie n'y avait pas été depuis plusieurs années et n'en avait gardé qu'un très faible souvenir. Elle fut surprise du faste de la maison et de celui des meubles. Peut-être la modeste élégance dont elle avait l'habitude était la cause de son étonnement. Elle suivit Madame Chéron à travers une vaste antichambre où paraissaient plusieurs valets vêtus de riches livrées. Elle entra dans un beau salon, orné avec plus de magnificence que de goût, et sa tante ordonna qu'on servît le souper. « Je suis bien aise de me retrouver dans mon château, » dit-elle en se laissant aller sur un grand canapé. « J'ai tout mon monde autour de moi. Je déteste les voyages. Je devrais pourtant aimer à les faire, car tout ce que je vois me fait toujours trouver ma maison bien plus agréable. « Eh bien, vous ne dites rien. Qui vous rend donc muette, Émilie ?» Émilie retint une larme qui s'échappait et feignit de sourire. Madame Chéron s'étendit sur la splendeur de sa maison, sur les sociétés qu'elle recevait, enfin sur ce qu'elle attendait d'Émilie, dont la réserve et la timidité passée aux yeux de sa tante pour de l'ignorance et de l'orgueil. Elle en prit occasion de lui reprocher. Elle n'entendait rien à guider un esprit qui se défie de ses propres forces, qui, possédant un discernement délicat, et s'imaginant que les autres ont plus de lumière, craint de se livrer à la critique et cherche un abri dans l'obscurité du silence. Le service du souper interrompit le discours hautain de Madame Chéron et les réflexions humiliantes pour sa nièce qu'elle y mêlait. Après le repas, Madame Chéron se retira dans son appartement. Une femme de chambre conduisit Émilie dans le sien. Elles montèrent un large escalier, arpentèrent plusieurs corridors, descendirent quelques marches et traversèrent un étroit passage dans une partie écartée du bâtiment. Enfin, la femme de chambre ouvrit la porte d'une petite chambre et dit que c'était celle de Mademoiselle Émilie. Émilie, seule encore une fois, laissait couler des pleurs qu'elle ne pouvait plus retenir. Ceux qui savent, par expérience, à quel point le cœur s'attache aux objets, même inanimés, quand il en a pris l'habitude, avec quelle peine il les quitte, avec quelle tendresse il les retrouve, avec quelle douce illusion il croit voir ses anciens amis, ceux-là seulement concevront l'abandon où se trouvait alors Émilie. Brusquement enlevée du seul asile qu'elle eut connu depuis son enfance, jetée sur un théâtre et parmi des personnes qui lui déplaisaient encore plus par leur caractère que par leur nouveauté. Le bon chien de son père était avec elle dans sa chambre. Il la caressait et lui léchait les mains pendant qu'elle pleurait. « Pauvre animal, disait-elle, je n'ai plus que toi pour m'aimer. »